tout déraille, c'est calme, tu t'es vu, tu se barres en live. Arrête de jouer la canaille, on finira tous en live. Tu sais frites, on s'achite, même si tu finis pas vite. T'empêchera pas de prendre la vie, t'empêchera jamais ça sans briquer dans ta mère. A quoi ça servirait vu que le 23 décembre 2012 la terre s'arrête de tourner, s'arrête de tourner. Comme l'avait prédit Mahomet ou un autre lumière, lui barbu qui avait trois fois trop et qu'on pouvait plus. T'as fait l'avant avec la planète encore à trop du tout, t'aurais mieux fait de résister sa couette. Qu'est-ce que c'est en plus ma boule qui va pour crier mort au fou? À quoi tu penses quand tu danses dans un business tranquille? Quelle France c'est ta chance? Comment c'est pédophile au Vatican? Ils sont bien vus tous les enfants pour la grande chasse à la manœuvre qui se cache sous les sultanes. Non mais sérieux que tu crois même pas ça a traité même à l'époque des Dracula. Et qu'est-ce que prenez pas des pieux? Et toi tu veux encore faire tes enfants dans ce monde merdique? Moi je dis d'accord mais alors? Et toi tu veux encore faire tes enfants dans ce monde merdique, moi je dis d'accord mais alors. Et toi tu veux encore faire tes enfants dans ce monde merdique, moi je dis d'accord mais alors. Et toi tu veux encore faire tes enfants dans ce monde merdique, moi je dis d'accord mais alors. Habitué à la trique, habitué à la trique, habitué à la trique, habitué à la... mouches me chauffent sur mes chaînes, ont mangé des chignons chauffés par la crasse. Oh, les cheveux, des exiges dirigeants de la ronde des tout merdes, le zap de zapping, jusqu'à entendre Julien Clerc. Mais je suis pas un gangster, terminé les vaudevilles, la caniche et dansant le bronze autour de ma médaille. Aïe, je préfère une blatte, un ton, un pétard, chi-chan-chong, je suis une mouchon, chin-toc, et fils ça scrotte la crotte au fil du temps, pépiton, testament, tirant le bréchois des aliments, mensonge, chiasse, shopping ou MacLook, pour stranguler la mouche, c'est v'là la magic tour, tour.